Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Salut mes petits monstres! Vous la sentez cette bonne odeur de vacances? Personnellement, j'aime bien laisser un peu mon caveau derrière moi pour un temps. Enfin, façon de parler. J'ai été emmurée dedans. Bref, le petit Nostal m'a convaincu de visiter Washington virtuellement. Un Washington post-apo, celui de Fallout 3. Vous objecterez que ça ne me ressemble pas beaucoup, mais essayez de passer une éternité emmurée. Et puis... il semblerait bien que ce jeu cache de sombres secrets. Mais laissons Nostalgeek nous raconter. Fallout 3 contient plusieurs stations radio in-game. La radio la plus importante et la plus diversifiée en termes de contenu est Galaxy News Radio, ou GNR. La plupart des joueurs ayant un mauvais karma savent que tuer Three Dog aura pour effet de le remplacer à son poste par une technicienne nommée Margaret. Ce n'est pas un personnage charismatique et elle n'a que peu de dialogue, semblant ne pas aimer son nouveau boulot d'annonceuse publique. De plus, elle n'apparaît jamais en personne et ne peut donc pas être tuée. Une fois Three Dog tué, vous êtes coincé avec Margaret. Ce que la plupart des joueurs ne savent pas, en revanche, c'est que dans certaines circonstances, GNR va devenir une station d'émission de nombre, également appelée en anglais Number Station. Ce nom est attribué à une station de radio qui diffuse régulièrement un message codé sous forme de suite de nombres. Il en existe dans le monde réel, et les hypothèses quant à leur fonction veulent que ce soit des réseaux de contrôle des représailles nucléaires. Allez tout simplement sur Wikipédia pour davantage d'informations. Mais revenons à Fallout 3. Personne n'est vraiment sûr des actions effectuées pour entendre les nombres dans Fallout 3. Mais il semble nécessaire de tuer Three Dog, car personne n'a rapporté avoir entendu les nombres avec Three Dog en vie. Il semble également qu'il faille ignorer la quête Galaxy News Radio ou vous aider à booster le signal pour qu'il puisse être relayé au-delà de la zone de Washington DC. C'est assez facile de passer cette quête et de faire avancer l'intrigue, que ce soit en parlant au PNJ ou en regardant sur internet. Pour finir, il apparaît qu'il soit nécessaire de détruire Raven Rock. C'est le vrai déclencheur pour changer GNR en station d'émission de nombre, ce qu'elle restera jusqu'à la fin du jeu. Cependant, la vaste majorité des joueurs ayant réalisé ces trois actions continuent d'entendre les émissions normales de GNR, ce qui semble indiquer qu'il faille le faire dans certaines circonstances. Circonstances que la communauté cherche encore. Si vous êtes suffisamment chanceux pour avoir aligné tous les paramètres nécessaires, juste après la destruction de Raven Rock, le message « signal radio perdu » s'affichera, suivi, quelques secondes plus tard, par « signal radio trouvé ». Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas écouter GNR immédiatement après, car n'ayant pas encore boosté le signal, vous êtes hors de portée du réseau à la sortie de Raven Rock. Heureusement, Raven Rock est situé dans les montagnes, tout près d'un des rares endroits hors de DC à être situé assez haut pour capter le signal. Jusqu'à maintenant, les endroits confirmés pour entendre le signal sont, donc, la zone de Washington DC, évidemment, ça marche tout le long du jeu pour le signal typique de GNR. Au sommet de la grande roue dans Point Lookout, au sommet des relais de télécommunications SATCOM au nord-ouest de la carte, au sommet de Tenpenny Tower, qui se situe dans la zone de réception normale du signal, au plus haut point du pont cassé de Harefou, encore une fois dans la zone de réception normale, et enfin, aux quelques plus hauts points des montagnes aux alentours de Raven Rock. C'est évidemment le plus rapide d'accès pour entendre la première fois la station de diffusion de nombres. Quand vous réglerez le signal sur GNR, vous entendrez une voix familière, Three Dog, en dépit du fait que vous l'aurez tué juste avant. Cependant, vous remarquerez rapidement qu'il ne semble pas être dans son rôle. Ce n'est sans doute techniquement pas Three Dog. Peut-être ont-ils juste repris l'acteur qui lui donne sa voix, Eric Dullums. Il lit une série de nombres d'une voix monotone et vide d'émotion. Une simple suite de 9 à 12 chiffres. Par exemple, 9, 3, 7, 9, 1, 7, 2, 0, 3, 4. Et il n'utilise jamais de nombres à plusieurs chiffres tels que 11 ou 14. Ces nombres sont suivis par des longueurs très variables de code morse, puis le message se termine sur la chanson « I don't want to set the world on fire ». Toutes les autres chansons semblent être absentes des émissions de nombres. Pour ceux qui connaissent Fallout, la chanson « I don't want to set the world on fire » est vraiment la chanson symbolique de Fallout. Le Morse a été la partie du mystère la plus facile à déchiffrer, les codes étant tellement récurrents que la plupart les connaissent par cœur. Une longue liste de messages en anglais a rapidement été dressée. Certains semblent totalement banaux, je sais pas comment on dit. Bref, certains semblent totalement classiques, voire même comiques, comme « laver la voiture aujourd'hui, ce soir peut-être du chinois pour le dîner » ou « tu as regardé ma vidéo sur YouTube, on m'y voit en train de mettre un coup de pied dans les boules d'un clochard ». Alors là, vous vous dites peut-être « ah mais attends couillon, YouTube n'existe pas dans l'univers de Fallout ». Et vous avez tout à fait raison. Mais, pour tous ceux qu'on a déchiffrés, les messages en morse sont inspirés de notre réalité, en fait, dans les alentours des temps présents, à peu près au moment du développement du jeu, grosso modo. Donc c'est pas rare d'entendre parler de YouTube ou ce genre de choses. Tout récemment, un joueur a rédigé un texte faisant la lumière sur la signification des messages. Il lisait un sujet qui collectait tous les messages connus traduits de morse à l'anglais, et a vu la ligne 1205282010. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous allez nous manquer. Et il a alors réalisé qu'il s'agissait d'une référence à la mort de Gary Coleman. Vous savez, le nain qui jouait un gamin dans Arnold et Willy, dont la réplique culte était « Qu'est-ce que vous me racontez là ?» Et il a compris que les nombres étaient l'heure et la date de sa mort. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est que... Comment dire? Techniquement, Gary Coleman est mort après la sortie de Fallout 3. Il s'est alors lancé à la recherche de davantage d'exemples de ce qui semblait être des prédictions de l'avenir. Le message suivant l'a choqué et l'a poussé à lister, avec l'aide des autres usagers, la signification des codes. Le message était 94542020010. Accident dans le golf, nombre mort, marée noire apparemment évitée. Et il a réalisé qu'il s'agissait de l'explosion d'une plateforme de BP et de la première évaluation de la structure qui avait conclu que le puits ne fuyait pas. A partir de ce point, tous les nombres seront traduits en heures et en dates. Et c'est là que ça a commencé à être un peu compliqué. Plusieurs membres du Fallout Wiki ont depuis commencé à regarder les autres messages pour voir si d'autres prédictions étaient cachées. Ils se sont rapidement rendus compte que la plupart des dates étaient situées après la sortie du jeu, même si bizarrement certaines étaient antérieures. Par exemple, 22h15, 15 avril 1865, il est mort et le blâme sera jeté sur cet acteur, Booth. Johnson ferait mieux de ne pas se foutre de moi pour le paiement. Cela apporte de nouveaux doutes par rapport à la version officielle de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Mais, aussi vite que la communauté a commencé à chercher du sens à tout cela, les modérateurs du site ont banni simultanément tous ceux qui avaient posté sur le topic ou même l'avaient simplement lu, ils ont effacé toute référence au sujet de la station d'émission de nombre, tout a été censuré, effacé et banni du Fallout Wiki, et des filtres ont été mis en place pour éviter que de nouveaux topics soient ouverts. Bethesda, de son côté, a nié avoir placé ces messages. Une poignée de personnes ont tout de même continué, en échangeant par mail les traductions des derniers messages et les captures d'écran qu'ils avaient avant, pour arriver à décrypter les « prédictions » entre guillemets manquantes. Et voici ce que ça donne. 20h16, le 7 mai 2017, élection du fumier cosmique. 2h54, le 1er décembre 2019, merde, j'ai cassé le mauvais échantillon. 4h20, le 8 septembre 2022. La reine est morte aujourd'hui, le monde est en deuil, dans un jour comme celui-ci, on est tous anglais. C'est quand même surprenant, ces prédictions qui datent d'après la sortie du jeu, qui ont été déjà retrouvées dans le jeu. Mais, la dernière est un peu particulière. Déjà, elle n'est pas précédée par une série de nombres. Et voici sa traduction. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça. Il nous reste peu de temps. Ils ont été prévenus, mais ont continué à repousser les limites de la science. Le son. Je ne peux pas entendre ce son une seconde de plus. Et la lumière, bon Dieu. L'univers s'effondre autour de nous. Je ne vais pas attendre la mort, j'ai un pistolet dans le grenier. Et il est peut-être bon de noter que la date la plus lointaine dans tous ces messages est le 29 juillet 2025 à 1h27. Eh ben, si vous aviez réservé des vacances au mois d'août, vous devriez les avancer ou vous faire rembourser. Enfin, je dis ça, comme ça. Vous n'êtes pas forcé de croire aux prédictions d'un vieux jeu vidéo. Mais avouez que c'est troublant, non? De mon côté, j'ai trouvé ce Washington moche.